cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ درس الأصول من علم الأصول. تفضل. أخذنا باب النسخ. نعم، وهو باب مهم. وما هو النسخ؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ما معنى هذا التعريف؟ تفضل. معنى هذا التعريف أن الإنسان لما وجد النص من النصوص من القرآن والسنة تغير الحكم السابق من المنسوخ. ما من نص؟ إذا ثبت النسخ، نعم، فماذا زيد؟ إذا ثبت النسخ نسخ ب كيف يثبت هذا النسخ؟ Comment on sait est-ce que ou comment savoir plutôt si ce nas أي ce verset du Coran ou هذا الحديث il est mansoukh. Hein, تفضل. نعم، عدم الجمع. On peut pas faire الجمع. هذا اولا. ثانيا تفضل بعدك زد. ان يكون الناسخ ثابت. نعم، اما si c'est من قبل الضعيف ف في الحقيقة يا با بزوان دو جمع افير، ناخذ الصحيح و... ونترك الضعيف. زد. نعلم بتاخر النسخ. بتاخر ماذا؟ النسخ. الناسخ. لابد من معرفة تاريخ الناسخ. اي فوك الناسخ يسوا فيني ابخي، لان بور ابروجي اون شوز يفوك سيت شوز تسوا فيني ابخي. والا سي اون كوني با التاريخ ف on ne pourra pas dire est-ce que c'est celui-là qui abroge ou celui-là, vu qu'il y a deux hukm différents. Maintenant, hada il faut faire, hada il ne faut pas faire. Est-ce que tu fais passer, il faut faire ou il ne faut pas faire? Là, bout de min tarikh. Le tarikh, il va t'aider à savoir que hada nassaqa hada limada li annahu, il est venu après. Fali hada, ils ont cité hadihi al-shurut. Ta'adhur al-jam' al-ilm bi al-tarikh et thubut al-nasikh. وهناك بعض الأمور لا يدخل فيها النسخ، مثل ماذا؟ الأخبار لا يمكن نسخه لأن لا يمكن نسخها. نسخها لأن أصلا النسخ ورفع الحكم. أما الأخبار؟ وأما الأخبار وخبر. نعم، هي خبر، فماذا؟ فلا بأس. ها زيد. نسخ الخبر قد يفهم منه أنه كان كذبا. نعم، لأن الخبر إما يقبل أنه سيجو صدق، إما يرد لأنه سيجو كذب. فإذا نسخ سوف أمبليكي كو الخبر إلي تي با صحيح، إلي تي با صادق، وهذا سي محال في نصوص الكتاب والسنة. لأن نصوص الكتاب والسنة طول التكست دو قرآن والسنة سي الحق، c'est Allah subhanahu wa ta'ala الحق qui a révélé ces textes. فلا يدخل فيها النسخ. النسخ يدخل في الأحكام. Tous les أحكام. أو une précision. تفضل. النسخ لا يدخل في الأحكام التي تكون مصلحة مصلحة في كل زمن ولا مكان. أحسنت. أما الأحكام التي تكون فيها مصلحة في كل زمان ومكان، أي مصالح محضة كالتوحيد اكسترا، فلا شك أنه ما فيها نسخ. وكذلك المفاسد المحضة كالكذب والغش والشرك اكسترا، فهذه الأمور ما فيها نسخ. كي سي كي بو سيتي ان اكزومبل دو نسخ et nous montrer al-fawa'id, lianna hadha an-nasakh, on peut se poser la question ma hiya al-fa'ida. Le dernier point, al-hikam, qui c'est qui peut citer un exemple, tafaddal. نعم فهناك pouvait avoir une mafsada, il pouvait avoir des choses, ça pouvait impliquer des mauvaises choses au départ de visiter les tombes. Thumma نعم فلما انتشر الاسلام ونزلت الاحكام etc فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك فنسخ الحكم بماذا؟ الحكم بالتحريم أو بالنهي. Ça peut être من باب التخفيف كذلك مثل ماذا؟ أنا لجمو مثل ماذا؟ تفضل. نعم يأكل أو يشرب أو يعاشر امرأته أو يجامعها plutôt. فتو ça c'était منهي عنه au départ. ثم الله سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين فأباح هذه الأمور حتى في الليل كذلك ما يتعلق بقتال المشركين. Au départ واحد il devait combattre 10, ثم الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ثم صار الأمر أن المؤمن devait combattre deux mushriks. فباب عظيم, باب الناسخ والمنسوخ, c'est directement lié à des أحكام مهمة dans le fiqh. النبي صلى الله عليه وسلم كان أباح المتعة, متعة النكاح, ثم حرمها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن au départ il y avait des avantages, il y avait un besoin. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه. Donc c'est un peu مهم جدا. Et هذه الشروط elles sont très très importantes, ces conditions. وما يتعلق كذلك بأقسام النسخ. On avait détaillé ensemble, ولله الحمد, أن القرآن يبل نسخ إيه فيغ النسخ القرآن السنة إلى القرآن إلى آخره. On devait chercher un exemple, لكن نسينا. Quelqu'un a trouvé un exemple là? Quelqu'un a recherché? T'as cherché? ما وجد. قال رحمه الله الأخبار. هذا الباب كذلك il est مهم. Il est très très important. لماذا؟ لأن المراد بالأخبار هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار أي de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أن السنة c'est les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام, ses faits et gestes, كذلك ce qu'il a accepté صلى الله عليه وسلم. Et tout ça c'est une des sources de notre dîn avec le Coran al-Karim. Connaître des règles qui sont liées à هذه الأخبار, et que ce soit من حيث الجمع ou من حيث الصحة ou من حيث est-ce que الأصل في كذا c'est le وجوب ام لا, tout ça c'est très très important. لماذا؟ لأن c'est lié directement au fiqh. وكم يحصل من تخبط à cause de الجهل بي مثل هذه الأبواب في الفتوى. فمثلا كما سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait des choses من باب الجبلة والطبيعة, des choses que chaque humain il fait, manger, boire, dormir إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait des choses من باب العادة, أي que même le مشركون il faisait, c'était dans leur habitude في جزيرة العرب, certains vêtements إلى آخره. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des choses. Et ces choses, c'était min bab al-ta'abbud al-mahd. C'était des adorations. Le fait de mélanger entre l'ada الأمور الجبلية هي العبادة، لا شك أن سبا être la cause de شيء من الخلط. Ça va être la cause que بعض الناس ils vont mélanger. فلهذا étudier هذا الباب المهم, c'est très très important et c'est un باب من أبواب أصول الفقه. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذه الرسالة المفيدة إلا résumé avec un كلام سهل très simple et مهم. فقال رحمه الله تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ. نعم النبأ الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي الخبر العظيم. قال والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. المراد هنا بيان سور سي الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أي السنة لا السنة دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. كما قال هنا هذه الأخبار ما المراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي que ce soit ses paroles عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة أو فعل أو ses actions qu'il a fait عليه الصلاة والسلام أو تقرير. التقرير c'est le fait d'accepter une chose إما la voir إما l'entendre إما être informé ne pas rejeter. Ça c'est التقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a accepté des choses et le fait d'accepter ces choses c'est من سنته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il était appuyé par la révélation et النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه il connaissait pas le غيب, il connaissait pas l'invisible. C'est un être humain, alayhi salatu wasalam. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il est bikulli shay'in alim. Si cette chose, elle devait être interdite, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette chose, elle était interdite. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il accepte, c'est que cette chose, elle est permise. Hada huwa at-taqrir. Qala au wasf. Al-wasf, ça peut être un wasf khuluqi ou khalqi. الوصف c'est les caractéristiques du prophète عليه الصلاة والسلام أي الشمائل. إما الشمائل الخلقية tout ce qu'il y a son comportement عليه الصلاة والسلام أنه c'était أعلم الناس أشجع الناس إلى آخره. Il était modeste, il avait un bon comportement, il était souriant إلى آخره عليه الصلاة والسلام. أو أوصاف خلقية من الخلق أي الخلقة. Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il est petit? La taille de ses cheveux, la taille de sa barbe, la couleur de sa peau. هذه أوصاف خلقية. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال فالمراد بالأخبار هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول مثل ماذا؟ المجمل مبين والنص. نعم لا بس زد كذا كي راجد ان باب زد المطلق. نعم tout ce qu'on a vu كالأمر والنهي ça c'est من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. افعلوا كذا لا تفعلوا كذا توسس من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المجمل والمبين العام والخاص إلى آخره. فتوس أبواب bien sûr c'était fondé sur des versets du Coran الكريم c'est la parole d'Allah عز وجل et des أحاديث du prophète صلى الله عليه وسلم من أقواله. On a beaucoup de أحاديث في هذا الباب. فهذا تقدم. فلهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يبقى ديتاي ما يتعلق بالأقوال. قال وأما الفعل. Donc ce bab ou une partie, la première partie de ce bab, Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أي quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait une chose, est-ce qu'on doit la faire, est-ce que c'est obligatoire أم لا إلى آخره. أما الأقوال فهذا c'est clair. Si c'est un أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال افعلوا كذا عليكم بكذا. À la base, c'est que c'est une obligation. تقدم معنا هذا في باب الأمر. Si c'est un nahi, ne faites pas كذا. La base, c'est que c'est interdit. Thomas, bien sûr, il y a des détails qu'on a vus ensemble, wallahi alhamd. كذلك العمومات النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء والقرآن خصه فان فابليكي ما يتعلق بالتخصيص توسع تقدم معنا فلهذا الشيخ ابن عثيمين هنا رحمة الله عليه إذا اكسبليكي ما يتعلق بالأفعال قال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع أي les actions du prophète صلى الله عليه وسلم elles sont de plusieurs catégories أي من حيث الحكم. Non, on est bien fait le hukm. On est dans le livre de Usul. Qala rahimahullah al-awwal ay an-naw'u al-awwal, le premier cas, ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah. Al-jibillah, c'est tabi'atu al-insan. Tabi'atu al-insan. Ay, c'est la nature de l'homme. Kal-akl wa shurb, etc. فالنبي صلى الله عليه وسلم c'est un être humain. Et il avait une nature, il aimait certaines choses, il aimait pas certaines choses, il aimait certaines nourritures et d'autres il les aimait moins ou il les aimait pas. Et il dormait, il mangeait et il parlait. Donc هذه الافعال فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة. Pourquoi? Parce que c'est un être humain comme les autres عليه الصلاة والسلام. Comme les autres أي أنه c'est un être humain. قال كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته هذه الأعمال لا حكم لها في ذاتها أي on peut pas dire c'est obligatoire c'est interdit là لا حكم لها c'est quelque chose que tout le monde fait tout le monde dort tout le monde mange tout le monde boit قال ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب la base donc c'est qu'il n'y a pas de حكم لكن s'il y a un سبب ça peut changer. Mathalan, manger c'est moubah. Tu as le droit de manger. Lakin, si cette nourriture elle te fait du mal, on ne parle pas de la nourriture haram. Et en al-haram, on a des textes, on n'est pas fi hadha al-bab. Kadhalik, on ne peut pas citer l'exemple de Ramadan. Rubbama yushkil. Et en Ramadan, c'est un zaman où on a des adilak, c'est interdit de manger. Là, on parle de manger une nourriture halal. Dans un moment où c'est permis. Ça peut être, il peut avoir un hukm pour une personne précise, s'il y a un sabab. Mathalan, at-tabibu, le médecin, il dit à cette personne, annahu, s'il mange telle chose, ça va lui faire du mal. Mathalan, il est diabétique. Fafi hadha al-hal, si al-maslaha, ou al-mafsada, les muhakkaka, mathalan, le tabib, c'est un muslim, un thiqa. C'est une personne de confiance et il sait ce qu'il dit et il a du ilm, il a de la khibra. Manger cette chose, ça peut être interdit pour lui. Alors que la base, c'est que c'est permis, c'est quelque chose de naturel. Ça peut être ma'mouran bih. Tu prends le même exemple. Cet homme ou cette femme, ils ont des problèmes. Ils ont un manque de fer, un manque de calcium, quelque chose. S'ils ne mangent pas telle chose, ça peut leur faire beaucoup de mal. Et At-Tabib, il lui ordonne. Ça devient bimanzilat al-ilaj, al-dawa. Il est obligé, même s'il n'aime pas, il est obligé de se forcer à manger telle chose, limada li annahu. Pour lui, ça peut être darouri. At-Ta'am, à la base, c'est quelque chose de moubah, il n'y a pas de hukm. Tout le monde mange. لكن في حاله ça peut être إما مأمورا به إما من باب المنهي. Et on a cité un exemple avec الطبيب. قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو نعم وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. Et on a beaucoup de أدلة في هذا الباب. La base c'est que la nourriture donc c'est permis. Et la preuve qu'il n'y a pas de hukm à la base, c'est que les kuffars y mangent et les mu'minoun y mangent. Lakin, al-wasf, la façon de manger, si tu as un dalil, tu dois appliquer cette façon même dans cette chose mubaha. Mathalan, le fait de manger de la main droite. On répète, manger, on ne peut pas dire c'est obligatoire, c'est interdit. Il n'y a pas de hukm, c'est quelque chose de mubaha. Tu as besoin, tu n'as pas le choix, tu dois manger. Lakin, la façon, si l'insan y mange de la main gauche, فهذا لا يجوز. C'est interdit, c'est haram. Et manger de la main droite, c'est obligatoire. كل بيمينك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا أن الأمر الأصل سي الوجوب donc contredire ce وجوب c'est حرام et beaucoup de أدلة في هذا الباب على كل حال هنا bien comprendre أن الوصف أي la façon de manger si tu as un dalil cette façon elle a un حكم manger de la main droite c'est obligatoire manger de la main gauche c'est interdit قال رحمه الله الثاني donc le premier أفعال qui n'a pas de حكم à la base أي الأفعال بمقتضى الجبلة manger, dormir إلى آخر قال الثاني ما فعله بحسب العادة il y a une différence الجبلة c'est tout le monde مثلا tous les êtres humains ils mangent, ils boivent, ils dorment que ce soit des Arabes, des non-Arabes, ils viennent du Nord, du Sud, des hommes pieux, ou des foussards, des croyants, ou des koufars, tout le monde est concerné. Al-Ada, c'est les coutumes. Huna, ça va dépendre des contrées. Matalan, Adatu, Ahli, Al-Shamal, ça peut être autre que Adat, Ahli, Al-Janoub. Les gens du Nord, peut-être qu'ils ont des coutumes que les gens du Sud, ils n'ont pas. Qu'on parle du même pays ou qu'on parle en général. هذا معروف. قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a porté les vêtements de son قوم. في جزيرة العرب ils avaient des vêtements connus et النبي صلى الله عليه وسلم il a porté ces vêtements. العمامة والقميص والإزار etc. لكن كما قال هنا وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بالكفار فسيسي النبي كخاص بالكافرين فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك من تشبه بقوم فهو منهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير de porter de la soie donc on dira que les vêtements même si c'est une ada, si c'est une coutume si c'est de la soie et ce musulman c'est un homme la yajouz même si c'est une coutume et c'est un vêtement que les kuffars ou il est spécifique pour les kuffars la yajouz وهذا تستفيد منه جدا dans certaines مسائل Est-ce que le pantalon c'est obligatoire ou plutôt est-ce que le pantalon c'est haram ام لا لا شك انه c'est haram لماذا لانه c'est من لباس الكفار même si dans ce pays c'est devenu une ada c'est ça le قول الصحيح لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار et le fait que les musulmans ils ont été atteints par هذا التشبه à cause de leur faiblesse à cause de leur غفله et ils ont imité les kuffars on va pas dire في هذا الحال انه vu que C'est devenu une ada, une coutume dans notre pays, donc c'est plus haram, c'est min bab al-ada. Ala sahih, même s'il y a des fatawa min ba'd ahl al-ilm, annahum rubbama ils disent que c'est permis via hadha al-hal, lakin as-sawab c'est que c'est haram. Kama abayna kathir min ahl al-ilm. Wa hakadha al-hijab. Al-hijab al-shar'i c'est que la femme doit se couvrir tout le corps. لأن المرأة عورة même si عادة البلاد c'est que la femme elle se couvre pas telle partie ou telle partie في هذا الحال الشرع il est مقدم donc نستفيد من هذا أن العادة tant qu'elle contredit pas un texte تستفيد une autre فائدة عظيمة في هذا أن si العادة du بلاد c'est telle chose quelque chose de مباح Et anta, tu veux probablement appliquer une chose qui sort de l'ada et ça te cause du mal, fa'via d'al-hal, la taf'al. C'est pour ça que shar'una nahana an libas al-shuhra. Libas al-shuhra, c'est quoi ? C'est un vêtement que les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir ou de porter. Et probablement, si tu le portes, tout le monde te regarde. Tout le monde parle sur toi. Même si c'est mashrou' à la base, fa'via d'al-hal, insan yishtanib. Et tu t'habilles comme les musulmans de ta contrée de ton pays ils s'habillent en évitant bien sûr al haram. فمثلا في بلادنا هذا le fait de porter al izar وحده Ils n'ont pas l'habitude. Pour eux, ça va ressembler à Ba'd Libas ou Nisa. Ils n'ont pas l'habitude de voir Hada. Enfin, tout le monde va te regarder. Et peut-être que ça va te pousser à avoir un mauvais comportement. Ouais, Hadi te fait une remarque. Et tous les regards. Et je te dis, porte un qamis. Tout le monde porte un qamis. Ou tout le monde, quand je dis tout le monde, alhamdulillah, il est propagé. Ou le burnous. Alhamdulillah, dans notre pays, il est beaucoup porté. Tout ça, walillah, alhamd. Ça fait partie de notre dîn, ou ça ne contredit pas notre dîn, walillah, alhamd. L'insan, yajtanib hada. Tout ce qui peut lui faire du mal, il n'y a aucune maslaha, yajtanib. Amma, al-umur al-shar'iyya, alhamdulillah, l'insan, tant qu'il peut, il applique. Et avec ce point qu'on vient de citer, et on a déjà fait la remarque, anna ba'd ahl al-bid'a ou ba'd ahl al-ahwa, ils utilisent mitla hadhihi al-ulum an-nafi'a, ilm al-usul, pour faire des fatwas qui arrangent tout le monde ou par rapport aux patients. Ils vont te dire hadha c'est min al-'ada, et ils vont te sortir kalam ba'd al-ulama al-muhaqqiqin ba'd al-usuliyin. Et ils vont dire, c'est devenu une habitude. Même si c'est un savant de la sunna, notre intention et notre objectif, ça doit être de suivre le haq. L'insan yihadar mina al-rukhas. Yanna al-alim. Qui qu'il soit, ce savant, il n'est pas ma'soum. Al-isma, c'est les rusul ou l'anbiya. Alayhim as-salatu wassalam. On fait attention de ne pas jouer en utilisant ces outils. Il y en a, c'est des outils très très importants. Et celui qui est qawivi, هذا الباب, باب الأصول, et كذلك باب المصطلح, et bien sûr la langue arabe, etc. Et là, chacun d'entre eux va avoir de la quwa dans son argumentation. Et il pourra facilement convaincre les autres, خاصةً ceux qui n'ont pas étudié هذه المسائل, avec des adillah, avec des qawa'id, des règles, des preuves, des paroles de savants. Lakin, si c'est fondé sur les patients, Obama, il utilise هذا pour autoriser une chose. Il va dire, hada, c'est plus min libas al kuffar, c'est min kada. Même si c'est la parole d'un savant, le savant il est mujtahid. Et on l'aime, fillah. Lakin, aimer un savant et le respecter, ça ne veut pas dire, ou ça implique pas d'accepter tout ce qu'il dit là. Kullun yukhad min qawlihi wa yurad illa ar-rasul alayhi salatu wassalam. Et là, si on prend l'exemple du pantalon, même si certains savants ils disent que c'est devenu une hada, et c'est pas haram, pardon, ils vont dire c'est makruh, pardon, ils vont dire ça reste mubah, ila akhirah. As-salama la yu'diluha shay. On est tous d'accord, même le savant qui va dire que le pantalon c'est permis dans certains cas, ila akhirah. La shakanahu il dit le qamis c'est une sunna. On est tous d'accord. Applique sunna, écarte-toi des doutes. Ce qui fait beaucoup de mal, c'est celui qui suit les doutes. Wa rukhas. Alors, les gens, ils se rassurent en prenant telle faute de tel savant. Et pardon, tu arrives à les convaincre avec l'adillah, tu lui montres. Anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, et tu lui cites un verset. Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala, et tu lui cites des masadir, tu lui cites d'autres kalam de savants. Convaincant, lakin, pour s'accrocher, pour se rassurer, il dit, lakin tel savant, il a dit, hada la yamfa. Le savant lui-même que tu prends son qawl, il n'appelle pas hada. Le savant, il a un avis, c'est un alim, c'est un mujtahid. Amma anta, tu n'as pas le droit de suivre aveuglément, wa hada, inshallah, c'est yati ma'ana dans bab at-taqlid à la fin de cette risala. قال رحمه الله الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة بعض الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم certaines choses le prophète صلى الله عليه وسلم il les a faites lakin c'est que pour lui الوصال في الصوم le nabi صلى الله عليه وسلم il enchaînait les jours de jeûne jour et nuit maintenant pendant 3 jours ou plus il faisait as-siyam sans manger. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم quand ils lui ont demandé قال لست كهيهتكم أي je ne suis pas comme vous. لماذا لأنه عليه الصلاة والسلام il recevait la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné cette qudra, cette force de pouvoir enchaîner les jours nuit et jour ne pas manger et ne pas boire. أما نحن لا on a, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas donné هذا فهذا c'est خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك l'exemple qu'il a donné à النكاح بالهبة c'est qu'une femme elle se propose au prophète صلى الله عليه وسلم sans aqd, sans contrat de mariage, sans témoin, sans mahr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il accepte, ça devient sa femme. Hada, c'est que pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma nahnu fa, fala nikah illa bi wali. Et la bud min sadaq, min mahr. On est obligé de donner une dot. Ou hakada. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربعة، أما نحن لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا وثلاث ورباع، نحن لا بضوا بلو دو كاتر. النبي صلى الله عليه وسلم مات كان تحته أكثر من نعم تسعة أو عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم quand il avait plus de 9 femmes ou plus عليه الصلاة والسلام. أو il s'était marié plutôt avec plus. على كل حال نحن on n'a pas le droit. Le maximum l'homme il peut se marier avec 4 femmes. Allez, dans un même moment. Il peut avoir 4 femmes, 4 contrats de mariage. أما أكثر فلا يجوز. هذه الأفعال c'est clair, c'est خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. Ça c'est important. كذلك pour fermer une porte. La base, c'est que النبي صلى الله عليه وسلم c'est le modèle de tout le monde. كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est أسوة الجميع عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. عليكم أي الالتزام بها والاتباع. Ça c'est pour tout le monde. فلا يقال بالخصوصية إلا بدليل. On n'a pas le droit de dire que tel fi'l, c'est que pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on a un délil. Al-Wissal, on a un délil. Al-Nikah, on a un délil. Min al-Qur'an. Et le fait de se marier avec quatre femmes, on n'a pas le droit plus. Ou al-Nikah bil-Hiba, on a des adillah. Khalissatan lak, fi surat al-Ahzab. Khalissatan lak. La chacun a hada, c'est que pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une femme qui se propose pour lui, et elle devient sa femme sans aqd et sans mahr ila akhirah. قال الرابع كاتريام كا ما فعله تعبدا فوجب عليه حتى يحصل البلاغ وجب عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم c'est une obligation pour le Nabi صلى الله عليه وسلم اي pour montrer aux autres لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال فتاملوا ce cas il est important ما فعله تعبدا اي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait une chose تعبداً. Et c'est une adoration. Cette chose, la base, c'est bien sûr que c'est مشروع et c'est que c'est مستحب. La base, c'est que ce n'est pas obligatoire. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait une chose et on n'a pas un autre délil qui montre que c'est obligatoire, la base, c'est que c'est recommandé. قال رحمه الله ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا. C'est recommandé pour le prophète صلى الله عليه وسلم et pour nous. على الصح الأقوال ليس القول الصحيح يعني خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح سي هذا أن الأصل la base dans les actes du prophète عليه الصلاة والسلام هنا انتبه on parle bien مجرد فعل أما سي أقوال سي سي un ordre ça peut être obligatoire tout ce qu'on a vu auparavant أما هنا سي مجرد un فعل النبي صلى الله عليه وسلم il a fait une chose تعبدا il nous a pas ordonné de la faire il a fait une chose le fait qu'il a fait cette chose c'est que c'est recommandé. Enfin, l'affaire, c'est bien. Celui qui la délaisse, enfin, lâchez Ali. قال وذلك وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. نعم. لأنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. C'est un rasoul. لا شك أن s'il a fait cette adoration, c'est que c'est مشروع. C'est que c'est légiféré. والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه. وهذا حقيقة المندوب كما تقدم معنا. Sauf si on a une قرينة. Sauf si on a un دليل. Une chose qui montre que هذا الفعل qu'il a fait النبي صلى الله عليه وسلم il est obligatoire. فهنا ça devient obligatoire. لماذا؟ لأن هنا on a une preuve. قال مثال ذلك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته أي ils ont demandé à Aïcha رضي الله عنها par quoi le prophète عليه الصلاة والسلام il commençait quand il rentrait chez lui donc ils ont demandé un فعل une action qu'est-ce qu'il faisait قالت بالسواك donc un النبي صلى الله عليه وسلم quand il rentrait chez lui la première chose qu'il faisait est se nettoyer les dents avec السواك c'est un فعل il ne nous a pas dit de le faire لو قال مثلا si on قدر النبي صلى الله عليه وسلم il aurait dit celui qui rentre في بيته فكيل applique السواك هنا on aurait dit c'est un أمر c'est un ordre et la base dans les ordres c'est l'obligation أما Ma fi min hada. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la preuve seule qui nous a rapporté hada, c'est sa femme Aïcha radiyallahu anha. قال فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل. تامل هذا ان هذه السنه ولا كو سو فعل. On a pas un ordre. Un nabi sallam nous a dit de le faire. On a انه lui-même il l'a fait. La preuve c'est Aïcha radiyallahu anha qui a rapporté. قال فيكون مندوبا في هذا الحال. On dit se frotter les dents avec le siwak, se nettoyer la bouche avec le siwak quand un musulman rentre chez lui, فهذا سمستحب سيركمندي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ف... قال ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. تخليل اللحية c'est le fait de faire pénétrer l'eau à l'intérieur de sa barbe. خاصة هذا في من رزقه الله سبحانه وتعالى لحية كثيفة, une barbe épaisse. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم il avait une très grosse barbe كما جاء في الحديث أنهم quand ils récitaient ورضي الله عنهم ils voyaient sa barbe bouger. Ça montre أن sa barbe elle était épaisse et grande. Et كذلك في dans un autre hadith أنها كانت تغطي صدره, elle couvrait sa poitrine عليه الصلاة والسلام. Donc كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه. لماذا؟ لأن الوجه سأوبليغاتوار. الوجه سأوبليغاتوار كما في سورة المائدة. لا شك أن الوضوء لا يصح إلا بغسل الوجه. C'est un des membres qui est obligatoire. Si on dit que la barbe c'est comme le visage, la barbe donc c'est obligatoire de la rincer. Là, c'est autre chose. Le visage il est obligatoire. Amma la barbe. Cheikh Al-Uthaymin, هنا قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. Donc, Cheikh Al-Uthaymin قال أن تخليل اللحية c'est recommandé. Laver le visage, c'est obligatoire. Et celui qui a une grosse barbe et faire pénétrer l'eau à l'intérieur, il a arrêté. هذا, c'est mustahab. لماذا؟ لأن مثلا القدر واحد il a une très grande barbe qui arrive jusqu'à sa poitrine. فلا شك أن son visage il s'arrête à son menton. أما هذا مثلا c'est زائد. فشيخ العثيمين قال le fait de rincer la barbe et faire pénétrer l'eau dedans, هذا c'est mustahab. Tout ça si le hadith il est sahih. Là on a une autre masala qu'on détaillera pas هنا. Et al-sawab c'est que le hadith il est pas sahih. كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وهكذا أبو حاتم الإمام كما il a rapporté son fils ابن أبي حاتم هكذا الإمام البخاري et d'autres imams de la sunna ils ont démontré أنه لا يصح شيئا في تخليل اللحية لأحاديث في تخليل اللحية le fait de faire pénétrer l'eau dans sa barbe tout ça c'est ضعيف فيها ضعف. بعض العلماء ils ont قوي لأن il y a beaucoup d'ahadith وبعض العلماء ils ont montré que tous ces hadiths ont montré qu'il y avait un asl, lakin, alladhi yadhhar, c'est que ma saha fi hadha shay. Cette mas'ala, bi idhnillahi azza wa jal, on la verra, on l'a déjà vue. Wallahi alhamd, ma'a ba'd al-ikhwan, dans les drôles qu'on a fait sur at-tahara, sur les ablutions, comment faire les ablutions. Et on reverra hadha, incha'Allah, fi umdat al-ahkam, en détail. Ce qui nous intéresse, huna, c'est le mithal, faqat. Al-hadith qal fi al-hashiyah, rawahu al-tirmidhi, wa ibn Majah, et d'autres. Et الذي يظهر c'est que الحديث tous ces hadiths فيها علل des défauts dans les chaînes de transmission. Donc الرابع ما فعله تعبدا. Donc la base c'est que c'est recommandé sauf si on a un autre dalil qui montre que c'est obligatoire. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة فواجب عليه حتى يحصل البيان. واجب عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم. C'est obligatoire pour lui عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ pour montrer à la أمة. قال حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. اي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, on est toujours في التعبد bien sûr, les adorations. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait certaines choses pour détailler بعض العمومات. اي مثلا دي فيرسي دو قران qui sont globales, qui n'ont pas été détaillées. النبي صلى الله عليه وسلم avec ses actions, il a montré comment faire. مثلا الصلاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال الواجب افعال الصلاه الواجبه. Bien sûr, bien قيد لان بعض افعال الصلاه غير واجبه. مثلا الركوع والسجود, tout ça c'est واجب. Réciter sourate al-Fatiha c'est واجب. Se mettre en direction de la Qibla, tout ça c'est واجب. بعض الافعال c'est pas واجب. مثلا جلسة الاستراحة على قول, c'est pas واجب, c'est une sunna. رفع اليدين pas عند التكبيرة الإحرام, رفع اليدين عند الركوع أو الرفع من الركوع, هذا c'est مستحب, c'est pas obligatoire. Donc le premier cas, le واجب, c'est les افعال de la salat qui sont obligatoires. Qui c'est qui nous les a détaillés بفعله, c'est النبي عليه الصلاة والسلام. Et الصحابة رضي الله عنهم, ils ont rapporté. وهكذا أفعاله في الصلاة, حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه, حديث عبد الله بن زيد d'autres, أن النبي صلى الله عليه وسلم il s'est lavé le visage إلى آخر, et tout ça, ça nous montre الوجوب. Et pour l'autre, on a des adillah في القرآن que c'est obligatoire. قال مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة. صفة الصلاة, comment faire la salat en détail, tu trouveras pas la description في القرآن الكريم. Tu trouveras cette description من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أقواله. فهذه الأفعال si ce فعل est obligatoire, on doit suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce fil. Ce fil, il est obligatoire. Si cette action n'est pas obligatoire, l'action n'est pas obligatoire, elle est recommandée. قال ومثال المندوب المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف, طواف حول الكعبة. فهذا في عند الطواف, أي السنة après tawaf, c'est de faire deux rak'ah khalf maqam Ibrahim alayhi salatu wa salam. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait. Qala bayana li qawlihi ta'ala wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla حيث تقدم صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم وهو يتلو هذه الايه والركعتان خلف المقام سنه. نعم, ces deux rak'ah c'est sunna عند اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم il les a appliqué. فقوله واتخذوا مقام ابراهيم مصلى, الامر هنا للاستحباب, c'est pas obligatoire ces deux rak'a. فcelui qui les fait pas après le maqam, après le tawaf اقصد, فلا شيء عليه, لكن applique السنه c'est طيب. فهذا ما يتعلق بالافعال. 5 cas. Le premier افعال مقتضاها الجبلة, اي الطبيعه, la nature de l'homme. Manger, boire, il a akhri, il n'y a pas de hukm à la base. Sauf si c'est lié à une autre chose, comme une cause. Si cette cause elle est obligatoire, ça devient obligatoire. Si cette cause elle est interdite, ça devient interdite. Wahakada, on a cité les exemples. Athani, ma yata'alak bil'ada, c'est une coutume. Fahada nafs al-shay. Sauf si un sabab qui montre que c'est interdit. Matalan, les vêtements à la base, c'est autorisé. Sauf, on peut citer un autre midal, matalan, est-ce qu'un homme il peut porter un vêtement qui est khas aux femmes? هذا لا, même si c'est une ada, مثلا dans un pays, عياذا بالله, ils ont une ada, mais certains hommes, ils portent des habits de femmes. في هذا الحال, لا, c'est haram. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن الرجل يتشبه بالنساء وهكذا النساء بالرجال. Le troisième, ma fa'alah على وجه الخصوصية. Ça, c'est des actions, des œuvres qui sont spécifiques au prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا, on n'a pas le droit de le suivre في هذا عليه الصلاة والسلام. الرابع, ما فعله تعبدا. Des actions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ça fait partie de notre dîn, c'est des adorations. La base, c'est que c'est recommandé. Sauf si un délit qui montre que c'est obligatoire. Le cinquième, ma fa'alahu bayana li mujmal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait des choses pour détailler certaines généralités qui sont citées dans le Coran. Qawluhu azza wa jal wa aqimu s-salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal sallu kama ra'aytumuni usalli. Et les sahaba radiallahu anhum, ils ont vu cette salat et ils l'ont détaillé dans beaucoup de hadith. فهذا, donc ça dépend. Si هذا التخصيص أو البيان plutôt, c'est بيان لواجب, فالفعل لواجب, le fi'l est obligatoire. Maintenant, le ruku' et le sujoud durant la salat, c'est obligatoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait. Et si c'est mustahab, c'est mustahab, c'est recommandé. قال واما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء التقرير on répète ان c'est le fait que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a vu une chose ou il a entendu une chose ou on l'a informé d'une chose et il accepte, il dit rien. فلا شك ان هذا ça fait partie de sa sunna. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم si cette chose, elle serait mauvaise, la chèque qu'il l'aurait montré. Il y a un Nabi, c'est imam al-muttaqin. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et la chèque, il y a l'amr bil-ma'rouf, il y a l'amr, c'est minat taqwa. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui montrait le haqq et qui mettait en garde contre le batil. S'il a accepté, il s'est tué, et il a vu une chose, entendu une chose, on l'a informé, فهذا, ça fait partie de cette sunna. Wa amma taqriruhu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ala shay, fa huwa dalil ala jawazi. Quand on a dit ça fait partie de sa sunna, هذا التعبير il est adaq, c'est ça montre le jawaz, ça montre que c'est autorisé. Ça serait interdit, ça serait mauvais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait montré. فلهذا quand il a été informé, le Yahoudi lui a dit, il a dit au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lakin tes compagnons ils disent ma sha Allah wa Muhammad. Ma sha Allah wa Muhammad. C'est une information. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a su, il l'aura interdit. Il a dit, la taqulu ma sha Allah wa Muhammad, qulu ma sha Allah wahda. Hada taqaddam ma'ana fi kitab tawhid. Ça montre, anna, si une chose elle était mauvaise ou pas permise, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a montré. Donc si il s'est tué alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est permis. Qala fa huwa dalil ala jawazihi ala al-wajh alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'la. Donc la base c'est que c'est permis, sauf bien sûr kama taqaddam, si une qarina. قال مثال إقراره على القول إقراره صلى الله عليه وسلم الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il lui a posé cette question. أين الله أي où est Allah. Elle a dit في السماء. أي الله سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux. في هنا c'est بمعنى على. Et هذا on l'a détaillé ولله الحمد dans nos dourous de l'aqidah. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté sa réponse. Ça serait une mauvaise réponse. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait montré, il lui aurait dit, là, ne dis pas cette réponse. As-sawab, c'est kada. Ça montre, anna hada, ça fait partie de notre dîn. Le fait d'avoir cette aqida, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est fils sama, comme a qala jalla wa ala, a amintum même fils sama. Et dans l'autre verset, ar-rahmanu ala al-arsh istawa, ça montre, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, il y en a le trône, il est au-dessus des cieux. Et Allah, il est au-dessus du trône. هذا المعتقد il est wajib. Cette croyance, elle est obligatoire. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accepté. قال ومثال إقراره على الفعل. إقراره صلى الله عليه وسلم صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه. السرية, c'est un groupe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé pour le jihad. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, il a envoyé un groupe et un rajul, radiyallahu ta'ala anhu, kana yaqra li ashabihi fa yakhtam bi qul huwa Allahu ahad. À chaque fois qu'il récitait fi salat, il terminait la raka'a par surati al-ikhlas. Enfin, ils ont informé le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, saluh. لأي شيء كان يصنع ذلك. أي demande lui pourquoi il faisait هذا. À chaque fois, il terminait la salat, il récitait قل هو الله أحد. أي il terminait la salat, plutôt il terminait la raka'a. هذا c'était quand il était debout, quand il récitait. Quand il récitait, il terminait la lecture par surat al-ikhlas. فسألوه. أي ils ont demandé à cet homme, رضي الله عنه, فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. أن الله يحبه. الحديث إلى في الصحيحين. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a accepté هذا. في الشرح الشيخ العثيمين il a نبه un تنبيه مهم. Page 479. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن على أن هذا الفعل جائز. تأمل هذا. Est-ce que c'est une sunna ou la? Pour l'instant, de ce hadith, on déduit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a accepté. Donc c'est jaiz. تستفيد ماذا؟ Si واحد il fait هذا, on t'informe maintenant un homme, il a récité sourate al-Ikhlas. Maintenant on a fait salat al-Isha avec lui, les deux rak'at, il a récité une sourate, ثم il a récité sourate al-Ikhlas dans les deux rak'at. تستفيد من هذا أننا لا نستطيع ننكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم il a pas réprimandé cet homme, il lui a pas dit il ne fallait pas faire. Donc أنت si un homme il le fait, enfin on fait comme le Nabi صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est une sunna, c'est autre chose. قال فدل على أن هذا الفعل جائز لأنه لو كان حراما ما أقره. Ça serait haram, ça ne serait pas permis. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui aurait dit ne refais plus هذا. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a voulu savoir pourquoi, c'est quoi qui l'a poussé. Walakin qala Cheikh Ibn Uthaymeen hadha al-iqrar la yadul ala mashru'iyyatihi bal yadul ala anna al-fa'il la yunkar alayh. Ça veut dire la nunkir ala man fa'ala hadha. Lakin est-ce que c'est une sunna? Qala lakin luzum as-sunna afdal. La preuve que c'est pas une sunna, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a jamais fait. Et la chaque anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhib هذه السورة. Et c'était أعلم الناس بأوصاف الرحمن عليه الصلاة والسلام. Et c'était la personne, et c'est la personne qui aimait le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est خليل الرحمن. C'est la personne que Allah il aime le plus. Et c'est lui qui aimait le plus Allah عز وجل. مع هذا, on n'a aucun دليل أنه il récitait سورة الإخلاص à chaque raka. وهكذا ses compagnons رضي الله عنهم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Et autres, radiyallahu ta'ala anil jami', ils ne récitaient pas surat l'ikhlas à chaque fois. Fali hadha qala Cheikh Ibn Uthaymeen, lakin luzum as-sunna afdal min. Fali le mieux, c'est de ne pas appliquer hadha. Qala wa li hadha lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhtim bi qul huwallahu ahad wa nahnu na'lam anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yuhib sifat ar-rahman akthar mimma yuhibbuha hadha ar-rajul radiyallahu anhu. Fala shak hadha. Qala fa huwa min al-ja'iz alladhi laysa bi mashru'. Na'am. Donc c'est permis. Là, nous ne kirfi hadal bab. Ça reste quelque chose de jaiz, celui qui le fait. Lakin, celui qui va appliquer sunnah, récite ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il récitait. Ou, la tuqayyid une raka avec quelque chose de khas. Naam, tu récites ma tayassara min al-Qur'an. Et certaines salawat, il y a des versets ou des sourates, c'est mieux. C'est recommandé. Enfin, celui, alladhi yataharra hadha, c'est min al-sunnah, c'est afdal. Amma réciter qul wallahu ahad à la fin de chaque raka'a, à la fin de chaque récitation, fahada fihi nadar. Et celui qui le fait, fala nunkir alayh. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ankara alayh. Ça nous montre l'importance de revenir au texte. On dure cette mas'ala comme elle est précise. C'est fondé sur l'adillah, c'est pas le hawa. Ba'd al-nas, vu qu'ils ne connaissent pas ce genre de règles, et ils ont un va'f fi at-tamassuk bi sunnah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si tu lui dis, matalana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas récité telle chose. Ahyanan, ça peut devenir une bid'a. Certaines bid'a, matalan, fi al-qira'a, ou fi al-adhkar, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, mais c'est du dhikr. Ou c'est du Qur'an. Comment tu dis réciter du Qur'an, c'est une bid'a? Les anna, on doit réciter, faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. C'est notre modèle. Wa illa va, hada, il va réciter de telle façon, hada de telle façon, et on va changer un aspect parmi les aspects du din. Wa hakada, as-sahaba radiyallahu anhu. C'était أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et c'était ceux qui aimaient le plus le prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin, fais attention à l'bida' min هذا الباب. Amma, cette façon de faire, elle est khassa, النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه فلا ننكر. Amma, là où on peut donner un autre mithal pour montrer la différence entre هذا et l'bida'. واحد مثلا, il dit c'est bien de réciter قل هو الله واحد 5 fois à chaque fois après avoir fait l'wudu مثلا. On dira c'est une bida'. C'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté hada, mais c'était pas présent à leur époque. Et le fait de spécifier, c'est du tashri'. Réciter qul wallahu ahad, c'est min al-Qur'an. T'as le droit de la réciter. Bel ta'dilu thuluth al-Qur'an. C'est l'équivalent d'un tiers du Qur'an dans la récompense. Lakin at-takhsis, dire après le wudu, 5 fois surat al-Ikhlas. Cet exemple que je viens d'inventer, hein. Ma adhan wahad fi hada. Lakin pour vous montrer, faqat, annahu c'est min at-tashri'. C'est comme si cet homme ou cette femme, il disait c'est bien. Qui c'est qui lui a dit que c'était bien à ce moment? Et c'est pour fermer bab al-shar, il y en a un autre, il va nous rajouter une autre bid'a. Il faut réciter al-Fatiha matalan عند al-aqd, ça c'est une bid'a. Réciter sourate al-Fatiha avant le contrat de mariage. Pourtant, c'est du Coran. Lakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mariés à son époque. Ils n'ont pas récité le Fatiha à ce moment. Celui qui le fait, c'est comme s'il prétendait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas. Et Houa, il a montré. Et plus grave encore, c'est comme s'il prétendait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait et il nous a caché cette sunna que lui, il nous montre. Chacun de bid'a, c'est du char. Thumma qala rahimahullah, wa mithalun akhar iqraruhu al-habasha, ay ahl al-habasha. يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم il les a vus. بل جاء في الحديث أنه il a laissé عائشة regarder رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لأنهم ils étaient في حجرة عائشة. Et تعلمون أن l'appartement de عائشة il était collé au masjid. بل les appartements du prophète صلى الله عليه وسلم ils étaient collés au masjid. Et عائشة رضي الله عنها elle voulait voir et النبي صلى الله عليه وسلم il lui a laissé une petite place et elle regardait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regardait. Fama nahahum. Il ne leur a pas dit ne jouez pas au masjid. Ça nous montre que fi bab al-Eid, ou fi yawm al-Eid, aqsud bab al-la'ib, il y a une rukhsa. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wassa alahum. Donc, si l'insan il joue avec certains jeux yawm al-Eid, fahada la shak que c'est moubah, lakin bien sûr des jeux qui ne sont pas interdits. أما لجو كيسون حرام فسي حرام لجو العيد أو غير العيد قال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه dernier point et ça c'est مهم ما وقع في عهده ولم يعلم به des choses qui sont arrivées à son époque عليه الصلاة والسلام لكن il n'avait pas connaissance لأن النبي صلى الله عليه وسلم il connaissait pas tout il connaissait pas le غيب أبدا ça c'est من صفات الله عز وجل فإنه لا ينسب إليه. ففي هذا، on dit pas que هذا النبي صلى الله عليه وسلم l'accepte ou c'est une sunna taqririyya. لا. Si النبي صلى الله عليه وسلم n'avait pas connaissance, فلا ينسب إليه هذا الفعل. ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه. وزاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذا سان اكزامبل طيب سا فا نو كلاريفيي هذا الكلام على l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام كما قال جرير رضي الله عنه كنا نعزل والعزل معروف والقرآن ينزل ça c'est مهم لأن هذه الأفعال. Et c'est ça le point que Cheikh Al-Uthaymeen, il veut nous montrer. C'est des choses qui ont été faites pendant la révélation. Même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas au courant. Mathalan, cet homme qui avait des rapports avec sa femme, il a appliqué l'azl. Fala shak, si c'était haram, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait reçu la révélation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas au courant. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il connaît tout. C'est l'alim, c'est le khabir, azza wa jal. Donc ça serait interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé un verset. Annahum, ils font telle chose, et c'est haram. Comme ça arrivait dans d'autres cas. Lakin pour l'azl, il n'y a pas eu de hadat. Donc ça montre que c'est permis. Falihada qala Sufyan, rahmatullah alayhi, wa law kana shay'an yunha an, lanahana anhu al-Qur'an. Aïe, on aurait eu un verset qui montre que c'est pas permis. قال ويدل على ان اقرار الله حجه اقرار الله اي الله سبحانه وتعالى sait tout donc pendant la révélation si telle chose elle serait interdite بعض الصحابه il l'aurait commise Allah subhanahu wa ta'ala il aurait révélé au prophète alayhi salatu wassalam et ça c'est khas pour bien sûr la période de la révélation اما après la révélation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam فالله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. Le verset a été révélé avant la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, mais on l'a cité هنا pour montrer que ce verset montre qu'après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, on n'a pas le droit de rajouter. لماذا لأن الدين كامل. Donc nous à notre époque, on a une source ou deux sources, le Coran et la Sunna. Ce que le Coran nous a rendu halal, c'est halal. Ce que le Coran nous a rendu haram, c'est haram. Muhakkad as-sunnah. Amma à leur époque, vu que les versets descendaient, jour après jour, il a agré, là, chacun a ce qu'il faisait et le Coran il interdisait pas, c'est que c'était moubah. Wa min hada al-azl. ويدل على أن إقرار على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها بينها الله تعالى وينكرها عليهم نعم هذا كثير في القرآن خاصة سورة التوبة وهكذا سورة الأحزاب وهكذا سورة المنافقون هذه السور فضح الله سبحانه وتعالى فيها أهل النفاق أنهم يفزي يفزي يفزي الله سبحانه وتعالى يغمل الورس أنهم يفزي كذا يفزي كذا ça ça montre أن الله سبحانه وتعالى si une chose elle se passait au temps de la révélation et cette chose mauvaise فالله سبحانه وتعالى il l'interdisait ça ça nous montre أن si une chose elle se passait durant la révélation à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et النبي صلى الله عليه وسلم il ne l'a pas interdite et le Coran il ne l'a pas interdite c'est que c'était mubah tu as un exemple avec العزل قال ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس ça fait partie de sunna et c'est la dernière partie أي الصفات الخلقية les comportements du prophète عليه الصلاة والسلام فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم c'était أجود الناس وأشجع الناس أجود الناس ça vient de الجود الجود c'est le كرم أي la générosité وأشجع ça vient du mot شجاعة Aïe, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, c'était l'homme le plus courageux, l'homme le plus généreux. C'était l'homme qui avait plus de ilm, c'était l'homme le plus modeste. C'était celui qui avait le meilleur comportement, alayhi sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hakada qala jalla wa'ala. Ça, c'est par rapport au khuluq, le comportement. Wa mithal ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min wasf fi khilqatih. Ça, c'est le khilqa. Aïe. C'est pas le comportement, c'est comme قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير ربعة أي c'est ni grand ni petit وهو الوسيط القامة هكذا قال في معجم الوسيط نعم الوسيط القامة أي était de taille normale ni grand ni petit moyen عليه الصلاة والسلام Ça, c'est min khilqati. Vous avez remarqué, c'est la forme. C'est la forme de son corps. Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il était petit? La couleur de peau, les cheveux. Ça, c'est al khilqa. Fahada, ça fait partie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu kana nabi sallallahu alayhi wa sallam rab'atan min al-rijal laysa bil-tawil wala bil-qasir. Hada al-hadith, il est fi sahih al-Bukhari an Anas radiyallahu ta'ala anhu. Et kadhalik, il est fi sunan al-Tirmidhi. Et كذلك il est في الشمائل. Et هذا c'est une faïda. أن هذه الأوصاف الخلقية والخلقية من أحسن الكتب qui ont rassemblé les caractéristiques du prophète عليه الصلاة والسلام, que ce soit son comportement ou son physique عليه الصلاة والسلام, c'est كتاب الشمائل المحمدية de l'imam الترمذي رحمة الله عليه. الشيخ الألباني لاختصر مختصر الشمائل de l'imam الألباني رحمة الله عليه c'est une référence celui qui veut connaître les comportements du prophète عليه الصلاة والسلام et كذلك son physique et le livre il est répandu ولله الحمد هذا ما يتعلق بهذا الباب la première partie et on finit inshallah تعالى la deuxième partie dans le cours suivant والحمد لله رب العالمين. On n'a pas expliqué al-azl. Vous savez c'est quoi al-azl? Non. Al-azl, c'est quand l'homme il a des rapports avec sa femme et il éjacule pas dans les parties. Aïe, هذا c'est applicable. Ils l'ont appliqué pour certaines raisons. إما la femme la تتحمل, elle peut pas supporter une grossesse. إما autre. Et ma autre. Et ça, c'est le haqiqa, c'est. Ils l'ont appliqué à leur époque, il n'y avait pas la contraception. Et kadalik. À kadalik, à notre époque, Ba'd al-Nas, ils l'appliquent et hada, c'est moubah. et tout ce qu'il y a à la contraception, on avait fait une kalima où on avait détaillé al-hukm.